Dialogue 1. Excusez-moi, madame, il est interdit de fumer dans le bar du TGV. Mais où est-ce que je peux fumer, alors ? Vous pouvez fumer en voiture numéro 15. C'est à côté du bar. Dialogue 2. Je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Pour une personne. Pour une personne, d'accord. Je peux avoir votre... Oh, vous avez un chien ? Oui. Non, je suis désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas prendre votre chien avec vous dans la chambre. Comment ça ? Dialogue 3. Pardon, madame, la leçon de Ionesco, c'est bien dans la grande salle ? Oui, monsieur, mais vous ne pouvez pas entrer. Il est 21h et le spectacle a commencé à 20h30. Mais sur mon billet, c'est écrit 20... Oh, pardon. 20h30, oui, excusez-moi. Bon, ben, alors, donnez-moi deux places pour demain. C'est possible ?